J'en ai vu sans déconner, plus rien ne va m'étonner. Je vis comme un mec en cavale, dans la planque toute la journée. J'en ai vu autour de moi zoner, ils veulent mon pèse ma monnaie. Avec tout ce que j'ai galéré, tu crois que pour toi je vais charbonner. J'en ai vu rêver de me couper les ailes. J'en ai vu voler maintenant dans mon texte, c'est le désert. Toi on t'a pas sonné, donc ferme ta gueule, c'est simple. Touche la famille, tu connais, on fera le nécessaire. J'en ai trouvé pour ça que ça m'énerve, mon équipe est trop vénère. Des fois je rentre, je suis en buvette, petit, je m'endors au feu vert. La misère, t'inquiète, on sait faire. Mon frère, jamais sous-estimer la haine de celui qui fait que se laisser faire. Ça fait ton plat, ton dessert. La haine, les dents, faut que j'essaie. Ça veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la fermière et ses deux sœurs. J'en ai vu, je suis déçu. De problèmes, mon avenir se dessine. Sentir aimé, ça te pèse comme un frère qui sort de la tessie. J'ai vu la jalousie, quand je sais ce que c'est. Tout le monde se monte dessus, d'ici faut se casser. Je mets mon T-Max en I, je vois plus la route. J'ai vu la jalousie, quand je sais ce que c'est. Tout le monde se monte dessus, d'ici faut se casser. Je mets mon T-Max en I, je vois plus la route. Plein de soucis, mais je sourieux. Trop de jaloux qui m'envieux. Je crois qu'ils m'ont vu gentilleux, ils m'ont trahi, je l'ai pas sentilleux. Plein de soucis, mais je sourieux. Trop de jaloux qui m'envieux. Je crois qu'ils m'ont vu gentilleux, ils m'ont trahi, je l'ai pas sentilleux. Et au bon mètre, ça continue. Demande à Ryan et Wassimeux. Et ça charcute pour une recharge à Dieu. J'imagine une fusillade, nique les traites comme dans GTA. Tu veux tester la Tinzol, je crois que t'es fou, va te GTA. Si tu fais du mal, je prenais ma faute, y'a pas de doute. Je suis plus un rappeur, j'suis un charbon, gros, vu ce que je coûte. Je parle sérieusement, je vais bien, t'inquiète, man. Je sais que la vie c'est dur et contre la jalousie, y'a pas de traitement. Il se rabaisse bêtement, y'a rien concrètement. Mais faut que je représente mes casseroles qui rentrent en boîte en survêtement. Ok, c'est une fouille, mais s'il te plaît, me touche pas les couilles. Après, mets-moi une amende, ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Hein? J'ai vu la jalousie, gros, je sais ce que c'est. Tout le monde se monte dessus, d'ici faut se casser. Je mets mon T-Max en I, je vois plus la route.